إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، donc nous allons, inshallah, méditer sur un écrit du grand savant, le Cheikh l'Imam Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz, rahimahullahu ta'ala, qui s'intitule Bayanu Ahamiyatil Fiqh al-Islami. Donc, l'importance aperçue sur l'importance de la jurisprudence, de la connaissance, du savoir islamique. Il dit, rahimahullah, Alhamdulillahi Rabbil Alameen, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad, الصادق الأمين وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. Toutes les louanges appartiennent à Allah, Seigneur des mondes. Prière et salutation sur notre prophète Mohammed, le véridique, le digne de confiance, ainsi que sur sa famille et ses compagnons et tous ceux qui ont entrepris son chemin et qui a été guidé par sa guidée jusqu'au jour dernier, jusqu'au jour du jugement dernier. Amma ba'd, après ceci. Fa inna ma'rifata al-fiqh al-islami wa adillati al-ahkam wa ma'rifati fuqaha'i al-islam alladhina yurja'u ilayhim fi hadha al-bab من الأمور المهمة التي ينبغي لأهل العلم العناية بها وإيضاحها للناس. La connaissance du savoir islamique et les preuves, les arguments de ses jugements et de ses lois, de connaître les savants de l'islam, les véritables connaisseurs de l'islam, vers qui la communauté doit retourner dans ces domaines, est un sujet d'une très grande importance dont il incombe aux gens de science d'y prêter attention et de le clarifier et de le présenter aux gens. لأن الله سبحانه خلق الثقلين لعبادته ولا يمكن أن تعرف هذه العبادة إلا بمعرفة الفقه الإسلامي وأدلته. Car Allah, glorifié soit-il, a créé les deux espèces qui sont les djinns et les humains, ceux qui seront pesés, dont les œuvres seront pesées sur la balance. Allah tabaraka wa ta'ala les a créés pour son adoration. Et on ne peut connaître l'adoration si ce n'est en ayant connaissance du savoir de la jurisprudence islamique avec ses preuves. Wa ahkam al-islam wa adillatihi, ainsi que les lois de l'islam et ses arguments et preuves. Wa la yakunu dhalika illa bi ma'rifati al-ulama alladhina yu'tamadu 'alayhim fi hadha al-bab min a'immati al-hadith wal-fiqh al-islami. Et on ne peut atteindre cela si ce n'est en connaissant les savants vers qui il faut retourner, vers qui il faut s'appuyer dans ces domaines, parmi les imams, les élites, les savants du hadith et de la jurisprudence islamique. Al-ulama hum warathatul anbiya, wal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman, wa innama warathu al-ilm, faman akhadha akhadha bihadhin wafir. Les savants, et ici le cheikh rahimahullah fait allusion au célèbre hadith du prophète alayhi salatu wa salam, et les savants sont les héritiers des prophètes. Les prophètes n'ont laissé en héritage ni dinar, ni dirham, c'est-à-dire ils n'ont laissé aucun bien mondain, aucune richesse mondaine en héritage, mais ils ont laissé comme héritage le savoir. Celui qui l'a pris, qui a pris part de cet héritage, aura eu un grand gain énorme. ومن أسباب السعادة للعبد ومن علامات النجاح والفوز أن يفقه في دين الله. Et parmi les causes du bonheur pour le serviteur, parmi les signes du salut, de la survie et du gain, est qu'il ait la connaissance et la bonne compréhension dans la religion d'Allah, tabaraka wa ta'ala. وأن يكون فقيها في الإسلام بصيرا بدين الله على ما جاء في كتاب الله الكريم وسنة رسوله الأمين عليه الصلاة والسلام. Qu'il soit un faqih, une personne dotée de bonne compréhension, une bonne connaissance dans la religion d'Allah, tabaraka wa ta'ala, qu'il soit clairvoyant dans la religion d'Allah, selon ce qui nous est parvenu dans le livre d'Allah et la sunna de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Wal ulama qad bayyana Allahu sha'nahum wa rafa'a qadrahum wa hum ahlul ilmi billahi wa bi shari'atihi wal 'amilun bima jaa'a 'anillah wa 'an nabiyyihi alayhi salatu was salam. وهم علماء الهدى ومصابيح الدجى وهم العالمون بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهم الذين قال فيهم جل وعلا شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وقال فيهم جل وعلا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال فيهم سبحانه إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق على صحته. Et les savants, Allah tabaraka wa ta'ala nous a parlé de leur grade et de leur place qui leur est réservée et l'élévation de leur statut. Ce sont ceux qui ont la connaissance d'Allah tabaraka wa ta'ala et de sa législation. Ceux qui pratiquent ce qui est rapporté dans le livre d'Allah et dans la sunna de son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ceux qui pratiquent, ceux qui mettent en application ce qui nous est parvenu d'Allah ainsi que de son prophète, alayhi salatu wa salam. Ce sont les savants de la guidée. Ce sont les lampes qui éclairent le chemin dans les ténèbres et dans l'obscurité. Ce sont ceux qui pratiquent le livre d'Allah et la sunna de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Ceux sur qui Allah tabaraka wa ta'ala a dit, dans le sens du verset, Allah tabaraka wa ta'ala témoigne que nul n'est adoré en vérité si ce n'est lui, et témoigne aussi ses anges ainsi que ceux qui sont dotés de savoir, les savants. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala, il est juste, il n'y a point de divinité adorée en dehors de lui, réellement et véritablement, et il est le puissant et il est le sage. Et Allah a dit aussi sur eux, dans le sens du verset, Allah élèvera ceux qui ont cru parmi vous et ceux qui sont dotés de savoir de plusieurs degrés. De même qu'Allah, glorifié soit-il, a dit sur eux, dans le sens du verset, certes, ceux qui craignent véritablement, ceux qui craignent de la manière la plus complète et la plus parfaite, Allah, parmi ses serviteurs, ce sont les savants. Et il a été authentifié, d'après le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qu'il dit, celui à qui Allah veut du bien, il lui fait comprendre la religion. Il lui donne la bonne compréhension de la religion. Le hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. فهذا الحديث العظيم يدلنا على فضل الفقه في الدين. Ce hadith énorme vient nous prouver les mérites, la valeur du savoir, de la science, de la jurisprudence dans la religion. والفقه في الدين. Ici, الفقه, faut le prendre dans son sens original, dans son sens linguistique, qui est la compréhension, comprendre. Faqiha yafqahu fiqhan veut dire comprendre. Plus tard, il sera donné à ce mot un sens technique, usuel, qui concerne les règles de la pratique religieuse dans les adorations et dans le relationnel. C'est ce qu'on appelle en arabe al-ibadat et al-mu'amalat. Al-ibadat, la prière, la zakat, le jeûne, le hajj. Les quatre grands piliers de l'islam après les deux attestations. Puis vient le relationnel. C'est ce qui met les règles émises concernant les relations entre les gens. Que ce soit dans le domaine du commerce, dans le domaine du mariage. Donc, c'est ce qu'on appelle fiqh al-ibadat wal-mu'amalat. Mais ça, c'est un sens technique. C'est un ma'na istilahi. Mais à l'époque de la révélation du prophète sallam, des compagnons, le sens du fiqh, c'est le sens littéral. Le sens qu'on retrouve dans la langue arabe. Lorsque le terme est employé en mots ou conjugué en tant que verbe, il est voulu le sens littéral qui est la compréhension. Donc lorsque vous trouvez le mot faqiha, fiqh, dans les versets coraniques et dans les hadiths du prophète sallam, c'est le sens original qui est voulu, qui est la compréhension dans la religion. Bien comprendre la religion. وَالْفِقْهُ فِي الدِّينِ هُوَ الْفِقْهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ والفقه في سنة رسوله رسول الله صلى الله عليه وسلم Donc le fiqh dans la religion, c'est la bonne compréhension du livre d'Allah Azza wa Jal, la bonne compréhension de la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, c'est la compréhension dans la religion de l'islam. Min jihati asli shari'a wa min jihati ahkam Allah allati amarana biha wa min jihati ما نهانا عنه سبحانه وتعالى ومن جهة البصيرة بما يجب على العبد من حق الله وحق عباده ومن جهة خشية الله وتعظيمه ومراقبته. Donc ce soit dans tous les domaines touchant la religion, la base même de la législation, dans le domaine du dogme, de la croyance. Et en arabe, ce fiqh-là, on l'appelle al-fiqh al-akbar. Le domaine du dogme, l'aqida, l'iman, on le nomme al-fiqh al-akbar, la plus grande des compréhensions, la base même de la compréhension. Que ce soit du domaine des lois d'Allah, tabaraka wa ta'ala, qui nous a ordonné, que ce soit du domaine des interdits d'Allah, subhanahu wa ta'ala, du domaine de la clairvoyance dans ce qui incombe aux serviteurs comme droit d'Allah et le droit de son adoration. Que ce soit du domaine de l'humilité et la crainte d'Allah, tabaraka wa ta'ala, sa magnificence, et de savoir qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, rien ne lui échappe et qu'il nous voit là où on est. Fa inna ra'sa al-'ilmi khashyatullah. سبحانه وتعالى وتعظيم حرماته ومراقبته عز وجل فيما يأتي العبد ويذر. Donc la base même de la science, l'origine même de la science, le but final de la science, il mène à quoi? C'est la crainte d'Allah تبارك وتعالى, de magnifier et de savoir la valeur des interdits d'Allah tabaraka wa ta'ala et de ses limites, et de savoir qu'Allah tabaraka wa ta'ala te voit dans ce que tu fais et dans ce que tu t'abstiens de faire. فَمَنْ فَقَدَ خَشْيَةَ اللَّهِ وَمُرَاقَبَتَهِ فَلَا قِيمَةَ لِعِلْمِهِ. Celui qui n'a pas atteint cela, celui qui ne prend pas compte de la crainte d'Allah, qui oublie qu'Allah tabaraka wa ta'ala surveille en tout lieu, en tout moment, celui-là, le savoir qu'il a acquis n'a aucune valeur. Wa innama al-'ilmu an-nafi' wal-fiqhu fi ad-din alladhi huwa 'alamatu as-sa'adah huwa al-'ilmu alladhi yu'athiru fi sahibihi khashyata Allah tabaraka wa ta'ala wa yurithuhu ta'dhima hurumati Allah wa muraqabatihi wa yadfa'uhu ila ada'i فرائض الله وإلى ترك محارم الله وإلى الدعوة إلى الله عز وجل وبيان شرعه لعباده. Et donc la science utile, la science bénéfique, profitable, c'est la connaissance de la religion d'Allah, tabaraka wa ta'ala, qui est un signe du bonheur et qui est ce savoir qui a un impact, il y a un effet sur la personne. Alors il en arrive à craindre Allah, tabaraka wa ta'ala. Il découle de cette crainte d'Allah, azza wa jal, de magnifier les limites d'Allah, azza wa jal, et de ne jamais oublier qu'Allah tabarak wa ta'ala te surveille. Cela va le pousser à accomplir les obligations d'Allah et à délaisser les interdits d'Allah, d'appeler et d'inviter à Allah tabarak wa ta'ala, de faire le prêche pour Allah azza wa jal, et de clarifier et montrer sa législation à ses serviteurs. فَمَنْ رُزِقَ الفقه في الدين على هذا الوجه فذلك هو الدليل والعلامة على أن الله أراد به خيرا. Donc celui qui a reçu, qui a gagné cette compréhension qu'on vient de voir dans la religion d'Allah, comme il a été précisé, ceci est une preuve, ceci est un signe qu'Allah tabaraka wa ta'ala a voulu du bien pour cette personne. وَمَنْ حُرِمَ ذَلِكَ وَسَارَ مَعَ الْجَهَلَةِ وَالضَّالِّينَ عَنِ السَّبِيلِ الْمُعْرِضِينَ عَنِ الْفِقْهِ فِي الدِّينِ وَعَنْ تَعَلُّمِ مَا أَوْجَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَنِ الْبَصِيرَةِ فِي مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَذَلِكَ مِنَ الدَّلَائِلِ عَلَى أَنَّ اللَّهَ لَمْ يُرِدْ بِهِ خَيْرًا. Et face à cette personne qui est dans le bonheur, celui qui a été privé de cela, de cette bonne compréhension, et qui part avec les ignorants, les égarés du bon chemin, ceux qui se détournent de la compréhension de la religion, du savoir dans la religion, qui se détournent de l'apprentissage de ce qui leur incombe, ce qu'Allah leur a obligé, qui se détournent de la clairvoyance dans ce qu'Allah leur a interdit, ceci est une preuve qu'Allah tabaraka wa ta'ala ne veut pas pour cette personne du bien. Wa qad wasafa Allah al-kuffar bil i'rad amma khuliqu lah wa amma unziru bih tanbihan lana ala an al-wajib ala al-muslim an yuqbila ala din Allah wa an yatafaqqaha fi din Allah. Et Allah Azza wa Jal nous a bien décrit les mécréants, comme quoi ces gens mécréants se sont détournés de ce pourquoi Allah les a créés et ce envers quoi ils ont été avertis. Pourquoi Allah nous en parle et nous les décrit? Pour nous prévenir. C'est un signal qui nous est donné pour nous montrer que l'obligatoire pour le musulman est qu'il s'empresse d'aller vers la religion d'Allah et qu'il cherche à connaître et à apprendre sa religion. وَأَنْ يَسْأَلَ عَمَّا أَشْكَلَ عَلَيْهِ وَأَنْ يَتَبَصَّرَ. Et qu'il se doit de questionner là où il ne connaît pas, et qu'il questionne pour être sur une clairvoyance. قال عز وجل والذين كفروا عما أنذروا معرضون. وقال سبحانه ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. الله تبارك وتعالى nous dit dans le sens du verset: et ceux qui ont mécru en face aux avertissements qui leur ont été donnés, ils se sont détournés. Donc ils n'ont pas tenu compte des avertissements qui leur ont été donnés par les bons conseillers qui sont leurs prophètes et tout bon croyant. Et de même qu'Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans le sens du verset: et quel est le plus injuste que celui lorsqu'il lui fait le rappel par les signes d'Allah, les signes de son Seigneur, il s'en détourne et il en arrive à oublier ses agissements. فمن شأن المؤمن طلب العلم والتفقه في الدين والتبصر والعناية بكتاب الله والإقبال عليه وتدبره والاستفادة منه والعناية بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتفقه فيها والعمل بها وحفظ ما تيسر منها. Donc, ce qui est demandé aux croyants, et ceci est un des agissements du croyant, d'aller à la quête du savoir, de rechercher la connaissance, de rechercher la connaissance dans la religion, pour être sur une clairvoyance, en donnant de l'importance au livre d'Allah, à le méditer, à en profiter des enseignements et des leçons, ainsi que la sunna de son messager, sallallahu alayhi wa sallam, du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, de connaître et d'étudier les hadiths, de les mettre en pratique et de mémoriser ce qui est possible dans la capacité de la personne. فمن أعرض عن هذين الأصلين وغفل عنهما فذلك دليل وعلامة على أن الله سبحانه لم يرد به خيرا وذلك علامة الهلاك والدمار وعلامة فساد القلب وانحرافه عن الهدى نسأل الله السلامة والعافية من كل ما يغضبه. Et donc, celui qui se détourne de ces deux sources qui sont le Coran et la Sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui en a été insouciant, ceci est une preuve et un signe qu'Allah, glorifié soit-il, ne veut pas du bien pour lui. Et ceci est un signe de sa perdition et de sa destruction. Et ceci est un signe que son cœur est corrompu, est devenu mauvais et a dévié de la guidée. Nous implorons Allah, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala le salut et d'être préservé de tout ce qui amène sa colère. فَجَدِيرٌ بِنَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ أَنْ نَتَفَقَّهَ فِي دِينِ اللَّهِ وأن نتعلم ما يجب علينا. Il est d'une très grande importance pour nous, les musulmans, d'apprendre la religion d'Allah et d'apprendre ce qui nous incombe, ce qui est une obligation pour nous. وأن نحرص على العناية بكتاب الله تدبرا وتعقلا وتلاوة واستفادة وعملا بذلك. Et aussi, on se doit d'avoir de l'engouement envers le livre d'Allah, tabaraka wa ta'ala, en le méditant, en réfléchissant sur ces versets, en profitant, en prenant les leçons qui sont tirées des textes coraniques et en mettant en application cela. Et ça, c'est la manière qu'avaient les pieux prédécesseurs dans l'apprentissage du Coran. Le but n'était pas seulement de mémoriser. La mémorisation est un des moyens de préserver les textes. Mais ce n'est pas le but et l'objectif même à lui seul. Et certains compagnons rapportent qu'avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne dépassait pas 10 versets. Il les mémorisait, ils étudiaient avec le prophète les leçons à tirer de ces versets. Ce qu'il fallait retenir de ces versets, il les méditait, il les comprenait, puis vient le résultat, la mise en pratique de ces versets. Et une fois atteint cela, il pouvait s'attaquer à 10 autres versets. Et avec cela, ils apprenaient la foi et la pratique en même temps. عليه الصلاة والسلام حفظا وعملا وتفقها فيها. Et aussi, on se doit d'avoir un engouement envers la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, en la mémorisant, en la pratiquant et en cherchant la bonne compréhension avec méditation et les leçons à tirer. وأن نعنى أيضا بالسؤال عما أشكل علينا. Et aussi d'avoir de l'engouement envers le questionnement, de questionner lorsqu'on ne sait pas. On parle du questionnement normal, un questionnement qui est normal, parce que on fait face des fois à des gens qui se posent trop de questions, plus que la normale. Et là, ça devient un problème. Trop poser de questions, trop rentrer dans des détails, et souvent nous fait détourner de l'utilité de la question. La question, elle doit être utile. Il doit y avoir un besoin. Mais poser des questions là où il n'y a pas de besoin, là où il n'en découle rien d'utile, ni pour la personne, ni pour la communauté, là, ce n'est pas conseillé. Et le prophète sallam nous met en garde. Et il nous dit qu'une des raisons qui a amené les peuples d'avant à la perdition, c'est le trop de questionnement. Donc, il faut questionner, il faut agir, parler qu'en connaissance, et pour cela, il faut demander, mais dans la norme. Dans la norme, et ne pas se perdre là-dedans. Donc, lorsqu'on ne sait pas, lorsqu'on a un doute, on se doit de questionner. فَالْإِنْسَانِ يَسْأَلْ عَمَّا أَشْكَلَ عَلَيْهِ. Donc, il questionne là où lui ne connaît pas. Là où lui, il a un doute là-dessus. Il y a une utilité de ça, de sa question. وَيَسْأَلْ مَنْ هُوَ أَعْلَمُ مِنْهُ لِيَسْتَفِيدِ. Et il questionne celui qui a plus de connaissances que lui pour qu'il y prend et y gagne profit. عَمَلًا بِقَوْلِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. En agissant ainsi, il met en pratique la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala, dans le sens du verset, et demandez aux gens du rappel, c'est-à-dire aux gens de la science. Car la science, qu'est-ce que la science? Lorsqu'on dit science en islam, on parle de la science religieuse. C'est ce qui est voulu par science. Il ne faut pas se tromper. Quelqu'un qui vous ramène des versets, des hadiths, où il est parlé de la science, du savoir, sans préciser quel savoir. Tant que ce n'est pas précisé, directement ce qui est voulu par le mot savoir, al-ilm, c'est le savoir religieux. C'est celui-là qu'Allah tabaraka wa ta'ala vante et vante ceux qui l'ont. Non pas comme certaines sectes, les frères musulmans ou d'autres, qui eux ramènent ces versets, ces hadiths, pour à la fin nous parler des sciences modernes, ou des sciences qui sont comme les mathématiques, ou la médecine, ou la physique, etc. Bien que ça, il y a parmi ces sciences des sciences qui sont utiles, mais ce n'est pas ce qui est voulu dans ces versets. Ce n'est pas ce qui est voulu dans ces versets. C'est la science religieuse. Comme l'a bien précisé l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, lorsqu'il dit Al-ilmu, qala Allahu, qala Rasuluhu, qala Sahabatu. Le savoir, c'est Allah a dit. Le messager a dit, les compagnons ont dit. Ça, c'est le savoir qui est voulu. Et dhikr, le rappel, c'est la révélation. Et la révélation, c'est le Coran et la sunna du prophète, alayhi salatu wa salam. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu la hafidhun. Certes, c'est nous qui avons fait descendre le rappel, le Coran, et certes, c'est nous qui allons le protéger, le préserver. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, Inni utitu al-Qur'an wa mithlahu ma'ahu. Certes, il m'a été donné le Coran et son semblable avec. La sunna, elle va de pair avec le Coran. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, son enseignement, ce qu'il nous dit, alayhi sallam, ce n'est qu'une révélation qui lui a été révélée. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Et il ne parle pas de par sa passion, mais ce n'est qu'une révélation qui lui a été donnée. وعليه أن يحضر حلقات العلم. Et donc le musulman se doit d'assister aux assises, au cercle du savoir. ليستفيد ويتذاكر مع إخوانه الذين يرجو أن يكون عندهم علم حتى يستفيد من علمهم. Et donc, il s'assoit, il prend place dans les assises du savoir pour profiter Et aussi, c'est un rappel pour lui, avec ses frères, envers lesquels il pense trouver une science et un bénéfice. وحتى يضم ما لديهم من العلوم النافعة إلى ما لديه من علم. Et aussi, pour participer et partager avec eux ce que eux ont comme science avec ce que lui a comme science. Donc chacun vient à profiter de l'autre parce que un peut avoir ce que toi tu n'as pas. فيحصل له بذلك خير كثير ويحصل له بذلك الفقه في الدين. En agissant ainsi, il va gagner beaucoup de biens et beaucoup de connaissances dans la religion. ويحصل له بذلك البعد عن صفات المعرضين والغافلين. Et en agissant ainsi aussi, il va être encore plus éloigné de ces caractères mauvais qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous en a parlé, les caractères de ceux qui sont connus pour se détourner et d'être dans une insouciance. وقد قال صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. Et le prophète صلى الله عليه وسلم a dit, celui à qui Allah veut du bien, il lui donne la bonne compréhension de la religion. وبما ذكرنا يعرف المؤمن فضل فقهاء الإسلام. Vu ce qu'on a cité, le Cheikh rahimahullah nous dit, vu ce qui a été cité précédemment, le croyant va comprendre, va savoir le mérite, la valeur des fuqaha, des véritables savants qui ont la bonne compréhension de l'islam. Wa annahum qad utu khayran kathira. Et que ces gens, il leur a été donné beaucoup de bien. Wa qad fazu bi hadhin azimin min asbab as-sa'ada wa turuq al-hidaya. Et qu'ils ont gagné d'une grande part énorme parmi les causes du bonheur et les voies de la guidée. لأن العلم النافع من أسباب الهداية. Car la science bénéfique fait partie des causes de la guidée. ومن حرم العلم حرم خيرا كثيرا. Et celui qui a été privé du savoir a été privé de beaucoup de biens. ومن رزق العلم النافع فقد رزق أسباب السعادة. Et celui à qui il a été donné le savoir bénéfique, il lui a été donné les causes du bonheur. إذا عمل بذلك واتقى الله في ذلك. Si il a mis en pratique cela et qu'il a craint et il a eu de la piété envers Allah là-dessus. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.